Je vous propose une exclusivité RG. La nouvelle chanson de Paul McCartney, c'est sur RG, c'est maintenant. Troisième écoute depuis que j'ai le disque, eh bien j'aime bien. Franchement, il m'a encore eu une fois de plus. Il est 20h sur RIG. RIG. Oh, bonsoir à toutes et à tous. Obligé de passer la chanson avant la saga parce que elle est déjà prête, la saga. Elle était prête depuis presque une semaine. Donc il a fallu se débrouiller pour pouvoir vous proposer la chanson en exclusivité pour RIG. La chanson s'appelle I Don't Know. Et ça y est, j'aime bien. Alors qu'au départ, j'ai mis sur Facebook j'aimais bien l'autre chanson. Et celle-là, il fallait que je l'écoute un peu plus. Voilà, troisième écoute, c'est bon, j'aime bien. C'est sûr, et je le sais. I know. J'aime cette chanson. Bravo, Paul. L'album sortira en principe, d'après ce que l'on sait, début septembre. Il va falloir attendre. Ça va être dur, mais on va se passer en boucle ces deux chansons-là pendant un petit peu de temps. Oui, vous vous dites, mais la deuxième chanson, Thierry, quand est-ce qu'on l'écoute? Eh bien, on l'écoutera en fin d'émission, juste avant de passer le relais à Eric. Ouais, c'est comme ça. Il faut écouter toute la saga des Fab Four pour écouter l'autre chanson, Come On To Me, que personnellement, j'ai adoré dès la première écoute. Dès la première, je me suis dit, ah, j'aime bien, ça rentre dans la tête, c'est bien. Voilà. Si on parlait de cette saga-ci, la saga numéro 380, l'avant-dernière de la saison, on écoutera l'album de la semaine, c'est l'album Imagine, avec la chanson Imagine de John Lennon, forcément. Il y aura également Cripple Inside, il y aura All My Love, il y aura Jealous Guy, il y aura Give Me Some Truth. Voilà, ça c'est pour l'album de la semaine. Il y aura aussi du McCartney, oui, on avait déjà du Harrison, du Star et des Beatles. Pour McCartney, ce sera par exemple One More Kiss sur l'album Red Rose Speedway en 1973. Il y aura Run of the Mill sur All Things Must Pass en 1970. Et non pas 71. Qui a écrit 71 sur ma feuille? C'est en 1970. Et Ringo Starr nous chantera Oh oui! Pas en français, c'est en anglais. Oh oui! Sur l'album Goodnight Vienna en 1974. Pour les Beatles, ce sera Come Together. Sur un des autres, forcément. Voilà. Pour le reste, vous verrez bien, nous aurons un mashup, tiens, en 17e position au lieu d'une cover. Ce sera un mashup, ce sera. Ils ont appelé ça. Hola Lotta Helter Skelter, une sorte de mix entre Led Zeppelin et les Beatles. Ça va décaper, vous allez voir. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La Saga des Fab Four commence maintenant et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous l'ai dit, je suis Thierry Gallet et je vous accompagne jusqu'à 22h. commence fort. On est écouté très très loin. Il y a Edgar qui, je crois, est en Argentine, qui nous dit sur Facebook Song of the Century pour Imagine. C'est vrai, je suis d'accord. Hello Edgar. Et il y a également Hélène qui nous écoute depuis les États-Unis. Hello Hélène. J'espère que tout va très très bien. Et puis, tous ceux qui écoutent en France, en Belgique, en Espagne, je ne sais pas, partout, où que vous soyez, c'est sur www.rjfm.fr que ça se passe. Et si vous êtes franchement tout près, c'est sur 90.7. Voilà. Et à ce moment-là, si vous êtes tout prêt, apportez-moi une boisson au studio parce que franchement, il fait très très chaud. 1, 2, 3, 4. L'un d'entre vous a fait un commentaire sur Facebook en disant que la voix de Paul est fatiguée sur le nouveau 45 tours, nouveau single qu'on a entendu avant le début de l'émission. Oui, Paul McCartney a 76 ans et là, en 1973, il avait une voix cristalline, une voix qu'on adorait. Il faut s'y faire, malheureusement, Paul McCartney à l'âge qu'il a, et c'est comme ça, voilà. Ringo Starr a gardé sa voix d'il y a une quarantaine d'années, mais il faut dire qu'il l'a eu, il l'a beaucoup moins poussé dans la puissance que Paul. Je dis ça comme ça. Aussi John sur RG. J'ai dit John, c'est George. Mais vous aviez fait la différence, bien sûr. George Harrison, Run of the Mill, extrait de l'album All Things Must Pass. Oui, j'ai eu une dure journée. It's been a hard day's night. Et je suis fatigué. Mais on va quand même aller jusqu'à 22h pour vous.

has no word to lay his head. George Harrison, il a gardé cette chanson sous la main parce qu'on lui avait dit, ben non, merci, on n'en veut pas. Elle sortira en 1987 en face B de Got My Man Set On You. Il aurait été vraiment dommage de rater cette chanson-là parce que franchement, j'adore George Harrison comme ça. Il est très très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que la belle Julie devait avoir sa chanson qui allait passer et j'avais oublié de la programmer. Alors, je répare tout de suite mon erreur avec The Pound Is Sinking, extrait de l'album Tug of War. C'est elle qui me l'avait demandé. Vous pouvez toujours demander des chansons et je peux essayer de les passer, si toutefois, évidemment, j'ai la chanson. La voici, pour Julie Harrison. The pound is sinking. Yeah.

Chemin parcouru entre leur début 1963, bon, on peut dire octobre 1962 avec Love Me Do si vous voulez, et 1967, l'année de l'amour. All You Need Is Love. Ça reste valable encore 50 ans plus tard, 50 ans et plus. All I Need Is Love. C'est dit. Et puisqu'on parle de love, on revient sur l'album de la semaine, c'est Oh My Love. Oh My Love est un autre morceau dont la structure date des titres composés par Lennon en 1968 en prévision de l'album blanc. Douce et brève évocation des tendresses, d'une tendresse naissante, Oh My Love se glisse modestement entre deux des attaques les plus violentes et enthousiastes de l'album. L'un des témoins privilégiés de l'amour naissant de John et Yoko fut Paul McCartney. Dans les années 60, se souvient-il, on se disait « Si je dois passer le reste de ma vie avec cette personne, il faut tout le temps la regarder dans les yeux. » John et Yoko y ont vraiment consacré beaucoup de temps. Ils miment de façon comique un regard intense. Et ça devenait fou. Ils se regardaient dans les yeux en se répétant « Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. » Au bout de 2 ou 3 heures, on était épuisé. Voici cette chanson. Oh My Love sur RIG. Life, oh. 1977, mauvais album, mais on trouve toujours des chansons bien. Comme celle-ci, It's No Secret. Je vous l'avais fait découvrir dans la saga il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Saga numéro 380 sur RIG. Lately, I've been so crazy. I wanna talk to you. I need to talk to you. And lately, you ain't my baby. Forever.

Alors on peut reconnaître évidemment du génie à John Lennon, c'est évident. Il a pondu des chansons du temps des Beatles qui sont absolument fabuleuses, mais reconnaissons aussi du génie à George Martin, parce que lorsque John Lennon arrivait en disant « voilà ce que je veux obtenir » et « à toi de te débrouiller pour y arriver », eh bien George Martin y est parvenu à chaque fois, et là, chapeau. Bravo, monsieur George Martin. Pour moi, le titre du cinquième Beatles, c'est lui qui l'a largement. Voilà. Donc, un grand coup de chapeau à ce grand maître qui était aussi George Martin. Je vous propose dans cette avant-dernière émission des petites chansons qui sortent un petit peu des sentiers battus. Did we meet somewhere before? C'est Paul McCartney sur RG, mais chut. Happening to both of us. Eggs Somewhere Before date des sessions de Back to the Egg en 1978. Oui, monsieur, dame. Voilà, vous le savez. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Imagine, sorti en 1971 par John Lennon. Et je vous propose une chanson qu'il avait démarrée en 1968, qui devait figurer dans l'album blanc, sous le nom de Child of Nature. Et puis, ils se sont dit qu'elle ressemblait trop à Mother Nature's Song. Donc, John Lennon garde la chanson dans ses tiroirs jusqu'en 1971, où il reprend l'air. L'air est exactement le même, mais il change complètement les paroles et ça devient Jealous Guy. Une très, très belle chanson de John Lennon. Et nous voici. c'est arrivé à la cover, qui est en fait un mash-up. Mash-up, c'est deux chansons réunies, que ce soit en paroles ou en musique. C'est une sorte de mixture faite par des internautes, beaucoup plus fort que moi, je ne sais pas faire ça. Et là, c'est plutôt très très réussi, un croisement entre Led Zeppelin et les Beatles. Whole Lotta Helter Skelter. Écoutons ce que ça donne, c'est plutôt très très sympa. Attention, ça va remuer fort. Take 29. Reach for this one. Yeah. CM. Cette chanson sur le single sorti en 2004 Tropic Island Hum. Paul McCartney, bien entendu, mais ça vous le saviez. Vous êtes sur RIG, c'est la saga numéro 380. Vous l'écoutez sur 90.7 si vous êtes dans les alentours de Bordeaux. Si vous êtes plus loin, et ça arrive beaucoup plus souvent, je pense que la majorité des auditeurs sont loin de Bordeaux, eh bien c'est sur www.rigfm.fr. And I love you. George Harrison sous RIG, extrait de l'album Extra Texture, Read All About It. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Yeah. Là encore, dans cette chanson-là, quel boulot pour George Martin. Et quelle chanson, puisque les paroles sont complètement dingues et sont absolument géniales. Tout passe à l'envers, sauf certains trucs. La basse et la batterie, par exemple. À la fin, le piano, évidemment, ça passe à l'endroit. Et pourtant, c'est absolument fabuleux. C'est un morceau qui se tient et c'est un morceau qui était à l'époque totalement novateur. Ça n'existait pas, le genre de truc-là. Et puis moi, quand John Lennon dit « But listen to the color of your dream », mais écoute la couleur de ton rêve, ça me parle. Je trouve ça génial. J'aime bien parce que ça n'a pas de sens et pourtant c'est très joli. C'est poétique, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et on va rester avec John Lennon. Et cette chanson, alors là, franchement pas poétique. Il en avait marre de tout. Il veut qu'on lui donne de la vérité. Et on en aurait bien besoin maintenant, je crois. C'est sur l'album Imagine et c'est Give Me Some Truth sur RIG. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politicians. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother her, but top so mean, but just a pocket full of hope. Money for dough, money for rope. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. You better stop, you don't know where she came from. Take a bad chance, you never know where she's been. In between, you better stop, you don't know where she came from. Skin and bone. Fois George Harrison, ça va être juste après, une autre fois George Harrison. Il y a eu You Don't Know Where You Came From, extrait des sessions de Tug of War en 1980, puis You Can Do That en 1964, quelle superbe année, sur l'album Hard Day's Night, et I Need You An Instant de l'album Help en 1965, une année somme toute bien sympathique également. Et on reste avec George Harrison, si vous le voulez bien, pour cette chanson, cette reprise, Mama, You've Been On My Mind, c'était extrait de Early Takes Volume 1, sorti en 2012, et quand on dit volume 1, ben on espère un volume 2. Alors c'est quand vous voulez, hein, le volume 2. I'm standing at, or maybe it's the weather or something like that. Mama, you just don't. Can't forget. I do not walk the floor by down a bent, but yet, Mama, you just don't mind. I am not asking you to say words like yes or no, please understand me. Calling for you to go. myself pretending not that I don't know. Mama, you just don't mind. Inside your mirror, you know I won't be next to you. You know I won't be there. But I'd be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Avant d'entendre Eric dans quelques minutes pour son Johnny de A à Z, il vous reste une dernière fois à entendre l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Imagine de John Lennon. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais oublié, je n'ai dit que 5 titres des 6 titres. Et oui, le 6e titre que j'aurais dû vous dire en début d'émission et que j'ai oublié, c'est Oh Yoko. J'aime bien cette chanson-là sur l'album Imagine. Oh yeah. Wildberries sur RG en 1990, l'album s'appelait Volume 3, il n'y a pas eu de Volume 2, puisqu'entre temps, il y en a un qui est décédé, et ils ont décidé de passer du 1 au 3 directement. Et là, c'est Rock Island Line, Ringo Starr sur RG en 2012, sur l'album qui s'appelait Ringo 2012. Tranquille. Dance with me.

Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Vous savez que Eric est musicien, il sait jouer de la batterie, il sait jouer de la basse. Il paraît que sur le dernier single de McCartney, il a joué à un moment donné du triangle. Ça ne s'entend pas, mais il a joué du triangle. Je l'envie. Dans quelques instants, vous allez le retrouver avec son émission extraordinaire, Johnny de A à Z. Rendez-vous la semaine prochaine pour une fin en apothéose. Vous allez voir dans quelques jours l'affiche que je vous ai préparée. Et je pense que ce sera pas mal. Je vous fais de grosses bises les filles, je vous fais des poignées de main les garçons. Et je sais que vous êtes entre de très bonnes mains, celle d'Eric. A bientôt, salut, ciao. Thierry, pour ton émission La Saga de Fafour, qu'on retrouve pour la dernière émission la semaine prochaine. Et si moi je joue de la batterie, du piano, de la guitare et puis de la basse et du triangle, Thierry lui ne sait rien jouer lui. Il est uniquement, il nous regarde en train de jouer et puis il applaudit à la fin, tout simplement, voilà. Voilà. Merci Thierry encore. T'as encore une affaire.